ça paraît totalement délirant, mais en fait, c'est un escalier. Genre, vraiment, elle est tombée sur la première marche, et puis petit à petit, pendant 10 ans, je ne l'ai pas vue, et je l'ai retrouvée, mais en haut de l'escalier, quoi. Et maintenant, il n'y a rien à faire. Et le pire, c'est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens du grand public, qui n'ont pas forcément de proches, qui sont tombés là-dedans, ils se disent, mais c'est des idiots. Mais ma mère, elle est pas bête. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Aujourd'hui, c'est le témoignage de Marie que vous allez découvrir. Pendant plusieurs années et avec ses yeux d'enfant, elle a vu sa mère plonger dans un univers fait de croyances ésotériques et de complots. Et alors qu'elle n'est qu'une adolescente, Marie décide de s'opposer à sa mère, puis de quitter le domicile familial. Depuis, entre elles, le contact est quasiment rompu. Je m'appelle Marie, j'ai 23 ans. J'ai grandi en Bretagne, dans le Morbihan. J'habitais seule avec ma mère, dans une petite taverne culturelle. Et maintenant, j'habite à Paris. Bah, on était très proches, ma mère et moi, quand j'étais petite, parce que tout le reste de ma famille est parisienne. Elle avait un peu coupé les ponts. Je lui parlais un peu tout. J'avais pas beaucoup d'amis à l'époque, donc c'est un peu ma confidente. Donc on était quand même assez proches. Quand j'étais petite, elle m'emmenait beaucoup dans des festivals de musique. Notre maison, c'était une sorte de taverne. C'était un bar culturel. Donc elle organisait des sessions poèmes, des concerts de reggae. Enfin, c'était une bonne ambiance quand c'était ouvert, parce que c'était pas tout le temps ouvert. Et c'était devenu son travail à temps plein, en réalité. Et j'ai quand même des bons souvenirs dans cette maison où on faisait, de la peinture ensemble, du yoga ensemble. Bon, j'avais pas la télévision, mais on se regardait quand même des films. On avait des cassettes VHS. Donc, c'est quand même des souvenirs d'enfance. Il y en a certains qui sont bien. Toujours très un peu hippie, un peu maman bio, ouverte d'esprit. Mais je l'ai vu changer au partir du moment où on a commencé à avoir internet. Donc on a installé une box. Mon grand-père, qui était la seule personne avec qui elle avait encore des contacts dans ma famille, lui a offert un ordinateur. Et donc elle a commencé à passer de plus en plus de temps sur internet. Ce qui commençait à me marquer, c'était que je la voyais dormir de plus en plus, parce qu'elle passait sa nuit, en fait, sur Internet. Ça pouvait être sur YouTube ou ça pouvait être sur des forums. J'entendais taper sur son clavier jusqu'à 5h du matin. Le matin, je me réveillais, je me débrouillais un peu toute seule. Des fois, elle était trop fatiguée pour m'emmener à l'école. Enfin, classique, elle passait tout son temps dans son bureau, sur son ordinateur. Et des fois, j'allais la voir et je lui parlais et elle ne me répondait pas parce qu'elle était trop aspirée par le truc, quoi. Au début, je me souviens juste qu'elle commençait à regarder des choses type lithothérapie. La lithothérapie est fondée sur la croyance selon laquelle les pierres naturelles comme le quartz ou l'améthyste auraient des vertus thérapeutiques. Bien qu'aucune preuve scientifique n'existe à ce sujet, pour ses adeptes, chaque pierre aurait des bienfaits spécifiques pour guérir le stress, l'anxiété et même les maladies graves. Médecine druidique, chamanique, bio et tous ses dérivés, mais encore, on va dire, acceptable, enfin, un peu parallèle, mais rien de complotiste, de big pharma, c'est le problème. Et puis petit à petit, c'était moins le cas. Quand j'avais un rhume, elle m'emmenait pas forcément voir le médecin, elle me donnait de l'homéopathie pendant une semaine et demie, et puis elle disait « Oh tiens, ça a marché !» Donc c'était un peu les premiers signes. Mais elle a commencé à faire pas mal d'amis sur les forums. Donc il y en avait un, je me souviens, c'était EPA News. EPA News, c'est un réseau social qui promeut des contenus sur l'épanouissement personnel, le bien-être ou la spiritualité. C'est ici que des internautes s'échangent des vidéos sur la sophrologie ou le secret du bonheur. Et sur ces forums alternatifs, la mère de Marie, isolée dans son quotidien, se crée alors un nouveau cercle social. Donc elle était toute fière de sa communauté EPA News, qu'elle arrivait à entretenir. Elle faisait des topics sur les forums qui avaient plein de vues. Et elle a commencé à prendre contact avec des gens comme ça de toute la France, dont certains qui habitaient en Bretagne et qui venaient la voir. Et c'était des chamans, c'était des gens qui tenaient des stands de pierre dans des forums énergétiques. Je me souviens avoir accompagné ma mère à plusieurs forums énergétiques. C'était vraiment soit des grands hangars avec plein de stands, il y avait un peu de tout. Il y avait des gens qui vendaient des pierres, il y avait des gens qui vendaient des sortes de chapeaux à plumes, enfin il y avait vraiment de tout. On allait voir ses amis qui faisaient des bijoux en fourchette tordue, enfin c'était une ambiance un peu... À l'époque je me disais bah, c'est sympa, il y a un peu de musique, des fois il y a des stands où on peut manger des frites. Bon. Mais c'était le début, et puis après elle m'emmenait à des événements, il y en avait un, il s'appelait Rencontre au cœur du sacré. C'est un festival breton qui existe depuis 10 ans autour du New Age, des spiritualités alternatives. Et ils ont, en fait, c'est genre des tentes au milieu d'un grand champ ou d'une clairière, avec des sessions, avec des danses autour du feu, des soins Ayurveda et compagnie, des psychosexologues thérapeutes qui viennent, enfin, ils se présentent comme ça en tout cas. Et plein d'ateliers comme ça, où on respire de la sauge, où on s'allonge et on écoute de la musique avec des tam-tams. C'est un festival, mais c'est surtout un salon de rencontre, en fait. Entre gens qui se présentent comme des professionnels de bah, toutes ces médecines alternatives. Il y avait aussi beaucoup de médiums, ou des gens qui disaient pouvoir accéder à leur vie antérieure. Donc elle commençait à croire à ça. Donc elle commençait à dire « Oui, moi j'ai accès à mes vies antérieures, je pense que j'étais scribe en perse ou je ne sais quoi. » Enfin, elle me disait ce genre de choses. Quand j'étais vraiment toute jeune, en primaire, je n'avais pas vraiment d'avis sur la question. Ma mère, elle a toujours été très religieuse, très chrétienne. Pas du tout dogmatique, pas du tout, on va dire, elle allait à l'église, mais elle ne croyait pas forcément, par exemple, au Vatican. Elle ne donnait pas de confiance, mais elle était très, très croyante. On avait une statue de 2 mètres de Jésus-Christ en granit dans notre salon. Elle était déjà très croyante. Mais c'est au collège que les nouvelles habitudes de sa mère deviennent pesantes. Ça me dérangeait un peu, déjà pour toutes ces raisons que bah, quand elle était malade, et que je devais... vraiment forcée pour qu'elle aille voir un médecin, donc je m'inquiétais pour elle. Ensuite, il y a eu la question de l'argent, parce que donc, vu que mon grand-père était décédé, on n'avait plus beaucoup de revenus. Et du coup, j'étais énervée quand, par exemple, elle achetait une colonne d'énergie à 200 € sur Internet. C'était en gros une espèce de grande structure circulaire en verre de la taille d'un avant-bras, avec une sorte de pierre en dessus. On pouvait changer la taille des pierres, on pouvait mettre, selon son mood, une sorte de pierre différente. Bon. Et je lui disais, mais en fait, on n'a pas d'argent, on est obligé d'aller genre au secours populaire pour se nourrir des fois, on n'a parfois pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, donc c'est pour ça que des fois, je ratais l'école. Et elle achetait ça, et je disais, mais en fait, c'est totalement irrationnel, et ça commençait à vraiment m'énerver. Je me disais aussi, c'est bizarre. Enfin, je ne m'inquiétais pas encore, parce que je ne comprenais pas que ça pouvait être un problème. Puis le discours de sa mère évolue. Autour de 2012, la fin du calendrier Maya, l'apocalypse... Et elle disait « Non, mais on nous le cache. En vrai, on sait que ça va arriver. » Donc elle commençait à stocker du riz chez nous. C'était un des premiers moments où je me suis dit « Ok, bon là, ça a un impact. » Enfin, elle est passée à autre chose, quoi. Sa mère commence à lui partager plusieurs théories complotistes. Les extraterrestres seraient en fait cachés par le gouvernement. La Terre, quant à elle, ne serait pas ronde, ni même plate, mais bien creuse, et peuplée d'entités supérieures, les véritables maîtres du monde. Disons que ça a vite un peu contaminé toutes nos discussions. quand je la croisais le matin pour prendre un bol de céréales, elle me disait « Ah tiens, j'ai lu ça ce matin, ça devrait t'intéresser », elle m'a montré une petite vidéo. Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous plongeons dans l'un des mystères les plus captivants de l'exploration. La théorie de la Terre creuse et l'incroyable aventure secrète de l'amiral Richard E. Byrd. En général, c'était des vidéos avec une voix robotique, quelques images d'illustrations qui font peur. Mais moi, très vite, j'étais pas intéressée. Je disais non, mais ça m'intéresse pas, parce que dès que je lui montrais un peu de résistance, elle commençait à me dire « tu comprendras plus tard ». Et je supportais pas qu'on me fasse la leçon, moi j'y croyais pas. Donc ça devenait de plus en plus épidermique. Je me souviens surtout d'une fois où, en gros, elle avait accueilli des amis chez elle. Et ils étaient en train de discuter dans le salon des extraterrestres et de la Terre creuse. Et moi, j'arrive pour aller dans la cuisine. Donc je passe par là, je les écoute vite fait. Et il y en a un de ses amis qui m'interpelle et qui me dit « Marie, toi, tu en penses quoi ?» Et il me fait « La vérité sort toujours de la bouche des enfants. » Je lui ai dit « Non, mais moi, la Terre creuse, les extraterrestres, ben, j'y crois pas. » Il m'a fait « Ah, pourquoi ?» J'ai commencé un peu à répondre parce que j'étais une ado, j'en avais marre de me faire... être prise pour une débile alors que je pensais vraiment que ce que je disais c'était rationnel, enfin en tout cas raisonnable. Et donc ma mère aussi a commencé à être assez désagréable avec moi là-dessus. Et elle m'a fini par me dire remonte dans ta chambre. Et ses amis ont commencé à dire oui, elle, ça ferait une petite Illuminati. Enfin, c'était vraiment désagréable quoi, comme moment. Ce nouveau mode de vie prend tant de place que la scolarité de Marie est mise à mal. Elle passait tellement de temps. Sur ces forums-là, à aller voir des gens, que c'était vraiment pas sa priorité, quoi. Après, elle m'appréciait beaucoup, mais ça l'a coupé toute sa vie, vraiment. Elle parlait que de ça. Il y a des périodes où vraiment elle préparait que ça, elle préparait des événements, elle préparait la fin du monde. Donc ça n'a pas aidé, quoi. Déjà, je pense que j'étais un enfant un peu particulier, j'étais un peu timide. Donc, quand j'avais des difficultés, elle préférait me changer d'environnement. Assez rapidement, elle m'emmenait moins en moins à l'école. Par exemple, la sixième, j'ai dû y aller seulement quelques mois. Et puis après, j'étais totalement seule chez moi. Si bien qu'il y a eu un signalement des services sociaux. Donc, on est venu me chercher. Un peu traumatisant comme expérience. Donc, il y avait la police, il y avait les assistantes sociales. J'étais placée en famille d'accueil pendant quelques semaines. Avant de retourner chez ma mère, parce que ma mère avait voulu absolument montrer à quel point elle était totalement capable d'être une bonne mère. Donc je suis retournée chez elle, et pour pas que ça se reproduise, elle m'a mise en cours par correspondance. Il y avait très peu d'encadrement dans ce cours d'enseignement en cours par correspondance privé. Elle m'aidait un peu, mais j'étais vite laissée toute seule à faire mes devoirs. Je vais envoyer mes copies par la poste. Disons qu'elle n'était pas très investie pour vraiment que je continue. Donc ça a impacté quand même ma scolarité, déjà parce que, premièrement, j'étais assez bizarre pour les autres élèves. Et donc, j'étais un peu mal à l'aise socialement et on m'a beaucoup changé d'école pour ça. Après, parce que j'étais beaucoup absente, et donc c'est un peu bizarre quand quelqu'un est tout le temps absent. Donc ça n'aidait pas en termes d'harcèlement scolaire ou autre. Et puis aussi parce que j'ai eu beaucoup de retard, en fait, dans plein de matières. Ce qui fait que j'ai fini par abandonner, en fait. Je me suis dit, ça sert à rien de continuer. Si c'est pour envoyer ses copies par la poste... Nous sommes au début de l'été 2016 quand Marie reçoit un courrier qui change le cours des choses. Une lettre de sa cousine qui habite Paris. Elle m'a proposé de venir passer des vacances à Paris, chose que j'avais pas fait depuis des années. On n'était plus du tout en contact. Et la chance, c'était une cousine que ma mère aimait bien. C'est une cousine artiste qui était en colocation à Paris avec plein d'artistes. Et du coup, elle s'est dit « Oui, vas-y, ça va te faire du bien. » Donc, je suis allée passer le mois d'août chez elle. Et ces 3 semaines chez elle, je me suis dit « Mais en fait, ma vie, elle n'est pas normale. » Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait un problème. C'est quand je suis sortie de là et que j'ai fait « Ok, non, ce que je vis, c'est pas normal. » C'est là que l'adolescente découvre d'autres modes de vie, d'autres façons de concevoir le monde aussi, et insiste pour être scolarisée de nouveau. Marie s'installe à Paris, mais préfère taire le complotisme de sa mère. Je l'aurais pas du tout parlé, parce que j'avais trop peur qu'il fasse quelque chose en justice contre ma mère, ou que, je sais pas, ils disent elle est folle, on va l'interner, j'en sais rien. J'avais un peu peur de ça. Ma mère m'a toujours un peu dit, c'est un peu un secret en fait, tout ce que je te raconte, ta famille ne doit pas le savoir. Donc quand je suis rentrée à Paris, quand j'ai vécu chez ma grand-mère puis chez ma tante pendant un temps, j'ai pas du tout parlé ça. J'ai juste parlé que ma mère s'occupait pas de moi en gros. Mais, pas du tout le côté elle se fait laver le cerveau, enfin, un peu l'idée quoi. Ce changement n'est pas sans sacrifice. À cette époque, Marie a encore de vrais moments de complicité avec sa mère. La quitter est donc un choix douloureux. Et à Paris, il faut se conformer à un nouvel environnement. Je suis arrivée à Paris, je portais des sarouels, j'avais les cheveux bleus, ce qui n'est pas hyper commun pour quelqu'un de 14 ans. J'avais une sorte de mini dreadlocks qui sortait de mon oreille gauche. Enfin, c'était une ambiance particulière. Donc, je suis arrivée à Paris. Enfin, non, c'était presque l'armée. Hein. Ma tante m'a emmenée chez le coiffeur. On m'a teint les cheveux. On m'a coupé les cheveux. On m'a donné des nouveaux vêtements. On m'a dit allez, c'est le moment de s'appliquer. C'était dur parce qu'il fallait se réadapter à la vie normale, c'est-à-dire se lever le matin, aller à l'école. Chose que je ne faisais pas du tout. J'avais un rythme de sommeil comme elle maintenant. Je me couchais à 4h du matin, je me réveillais à midi. C'était pas du tout ça. Je mangeais quand j'avais envie, on mangeait pas forcément ensemble. Donc là, il a fallu se réhabituer à la vie juste normale, pragmatiquement, ça. Après, il a fallu se réhabituer à l'école, donc se poser, apprendre des choses. Cette année-là, l'adolescente échange toutes les semaines avec sa mère au téléphone. Mais à cause des allusions systématiques aux théories du complot, les conversations sont conflictuelles. Il faut attendre l'été 2017 pour que mère et fille se retrouvent en Bretagne. Moi, j'étais contente de revenir chez moi, de retrouver mes chats. J'étais un peu partie précipitamment, donc j'avais laissé beaucoup d'affaires chez elle. Donc j'étais contente de revenir chercher aussi ma guitare, ce genre de choses. Et en fait, je reste même pas 24 heures. Parce que j'arrive en train, il y a ma mère qui vient me prendre à la gare avec mon frère, qui était aussi passé là pour les vacances. Et pendant tout le trajet... En fait, elle parle des extraterrestres. Et là, je me souviens m'être dit, mais en fait, je faisais, enfin, c'était tellement le quotidien. En fait, je l'avais oublié presque, le quotidien. Et du coup, je ne laissais pas passer. J'étais contre-argument, argument. Ah oui, mais là, c'est quoi tes preuves? Ah non, mais là, c'est un biais cognitif qui s'appelle blablabla. Enfin, j'étais un peu plus vive d'esprit. J'étais ado. Enfin, j'avais 14-15 ans, donc j'avais un peu plus de répondants. Et donc, ça la dérangeait. Donc, on se disputait. On est arrivé, on a fait une heure de pause. On a pris le café, le thé, et puis en fait pendant toute la soirée elle me parle de ça. Et du coup on se dispute pendant toute la soirée. Je reste 24 heures chez elle et je dors quasiment pas. Et je finis par appeler ma tante en pleurs en me disant mais viens me chercher, c'est plus tenable. Car Marie découvre l'étendue des nouvelles croyances de sa mère. On avait eu une longue discussion sur les vaccins. C'est là qu'elle redonnait tous ces arguments que ça cause l'autisme, que on y trouve des métaux lourds, de l'aluminium. La popularité de cette théorie, on la doit à Andrew Wakefield, militant anti-vaccin britannique. En 1998, il publie une pseudo-étude établissant un supposé lien entre la vaccination et l'autisme. Aujourd'hui, des figures comme Robert Fitzgerald Kennedy Jr., actuel ministre de la Santé de Donald Trump, promeuvent cette idée. Et après, elle me disait « mon ami chaman, tu devrais aller le voir, il te fera un soin énergétique, tu m'as l'air bien énervé. » Dès que je donnais un contre-argument rationnel, elle me disait « Non mais ça, c'est des mensonges des médias. » À l'époque, elle croyait aux confédérations galactiques. Donc c'était l'idée aussi qu'il y avait quelques humains qui étaient élus sur Terre et qui allaient survivre à l'apocalypse ou à la fin des temps et qu'elle en faisait partie. Elle me disait « Je fais partie des 144 000 sur Terre. Toi aussi, tu es tellement intelligente, blablabla. » Et je trouvais ça d'un ego tellement démesuré. Elle me disait déjà qu'il y avait des élites qui préparaient un gouvernement mondial et que ce gouvernement mondial allait s'attaquer aux enfants, en gros, leur permettant de changer de sexe quand ils voulaient. Donc elle attaquait les transitions de genre, elle disait non, il y a un homme, une femme, et ce qu'ils veulent faire, c'est en gros laisser les enfants choisir, mais c'est la dégénérescence occidentale. Là. Donc déjà, elle avait pas mal de narratifs, d'éléments de langage qu'elle reprenait de pas mal de mouvements d'extrême droite, très religieux. Et moi, je voyais ça vraiment d'un œil... Là, ça m'inquiétait, parce que ben, déjà, quand j'étais ado, je savais que j'étais bisexuelle. Je le savais, et je commençais à trouver ça normal. J'étais dans un milieu beaucoup plus tolérant à Paris, pas du tout religieux. Et ça commençait à vraiment me déranger. Donc c'était vraiment épidermique, les discussions qu'on pouvait avoir là-dessus. 24 heures après son arrivée, donc, Marie quitte précipitamment la Bretagne et retourne vivre à Paris, chez sa tante. J'ai peut-être eu au téléphone quelques fois, mais j'ai fait la technique de l'autruche. Je me suis dit, j'arriverai pas à la convaincre. J'avais beaucoup des discussions, des espèces d'arguments dans ma tête où je me disais, ah, j'aurais dû répondre ça. Et j'accumulais les preuves de, non mais là, ça tire pas la route, c'est pas fiable, etc. Mais au final, je me rendais compte que je ne pouvais pas la convaincre. pour elle, j'étais une ado, que j'avais été peut-être influencée par ma famille. Donc je me suis vite dit, ça sert à rien. Donc j'ai laissé mariner toute seule, je me suis concentrée sur mon lycée, mon bac, puis mon début de licence. Pendant près de 7 ans, Marie coupe tout contact. Ça m'a vraiment rongée pendant des années, parce que je me sentais assez coupable en vrai, parce que je me disais, elle a aucune famille à part moi. Mon frère, il est un peu en dilettante, il n'aurait jamais fait un débat avec elle. Elle est entourée de gens qui pensent comme elle. Donc je me suis dit, je suis un peu le seul lien qui la rattache un peu à la vérité, enfin la vérité, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, j'ai un peu le seul lien qui la rattache à, je sais pas, au monde réel. Enfin, et je me suis dit, bah, là je vais couper ce lien, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Et j'avais plein de peurs irrationnelles, je me disais, mais en fait, si à un moment elle a un cancer, imaginons, bah, elle va mettre des pierres sous son oreiller, elle va respirer de la sauge, elle va boire du jus de fruits, et en fait, elle va peut-être en mourir, et ça sera ma faute. Et je me disais ça. Je me disais, mais en fait, je devrais la convaincre, parce que c'est même une question de santé, en fait. Et c'était trop dur, parce que je me disais, mais en fait, c'est ma mère, et un jour, ma famille m'a dit, mais en fait, c'est pas à toi d'être le parent. Donc j'ai un peu arrêté. Elle m'a envoyé un message, il y a peut-être 2 mois. Et c'était au moment où je commençais à prévoir de peut-être venir ici, où je me suis dit, bon, j'ai tellement enfoui la boîte des souvenirs qu'il faut que je la réouvre et que je regarde un peu ce que je peux faire avec. Et donc je lui ai répondu, je lui ai dit que je n'étais pas prête à ce qu'on s'appelle, je n'étais pas prête à ce qu'on se voit dans la vraie vie, mais que ça me faisait plaisir d'avoir de ses nouvelles et que moi ça allait bien. Donc on s'est échangé quelques messages comme ça, un peu normaux. Elle me disait, ouais, voilà, j'ai tel nombre de chats. Moi je lui disais, ah, j'ai un chat aussi. Un peu un lien normal. Mais ça m'a quand même un peu bouleversée, donc j'ai repris contact avec un psychologue pour parler de ça. Et très vite, en fait, elle a commencé à m'envoyer des vidéos. Et donc j'ai peut-être fait l'erreur, je ne sais pas où. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais je lui ai envoyé aussi des vidéos, dont une conférence sur l'esprit critique, qui expliquait en fait les biais cognitifs. Genre, c'était pas militant, hein, c'était vraiment juste, voilà, est-ce que vous faites piéger par ça ? Et je me suis dit, c'est un petit quiz en fait qu'elle va faire. Elle va peut-être se rendre compte que c'est. Que des fois, ben, comme tout le monde, on tombe dans le panneau et en fait, il faut juste apprendre à repérer les biais. Et donc, elle m'envoie plein de vidéos en me disant, ah non, mais en fait, le sujet de la désinformation, les biais cognitifs, c'est un complot. Parce qu'à un moment, dans la vidéo, il prenait l'exemple de la Terre plate. Je me suis dit, c'est un super exemple, ma mère, elle ne croit pas que la Terre est plate. Donc elle va dire, ah oui, c'est vrai que les gens qui croient que la Terre est plate, ils sont quand même ridicules. Et elle m'a dit, au lieu de trouver ça convaincant, elle s'est dit, non mais, enfin elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, la Terre plate, c'est un complot balancé dans les sphères New Age pour convaincre, pour apprendre aux vrais spirituels à repérer les faux spirituels. Donc, je me suis dit, ok, donc il y a un complot, sur le fait même qu'il y a un complot, donc il y a un complot au carré sur la Terre plate. Et je me suis dit, ok, bon là en fait, genre, je peux rien faire. Si t'as une réponse à ça, je peux rien faire. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Marie a reçu des dizaines de messages qui concernent des théories du complot. Comme l'histoire de la Tartarie, une civilisation eurasienne qui aurait été cachée. Un empire dont le nom a été moqué, déformé, puis classé comme mythe, mais dont les traces persistent dans les cartes, les chroniques anciennes, les fresques religieuses et parfois même dans les discours des puissants. La transidentité dissimulée de Brigitte Macron. Madame Macron, en réalité, est monsieur Jean-Michel Trogneux. Ou encore l'existence d'un état profond. Ceux qu'on ne voit pas, ceux que nous n'entendons pas, ceux qui sont les éminences grises et ceux qui font fonctionner, en fait, le pouvoir. Autant d'images, de croyances qui empêchent Marie de renouer avec sa mère. Là, j'ai 10 ou 15 messages de retard. J'ai pas très envie de lui répondre parce que je me rends compte que j'arriverai pas. J'arriverai pas à laisser passer ça. quand il y a eu du contenu pro-Trump, je me suis dit, en fait, elle est perdue. Si elle, qui pourtant était hippie, chrétienne, ouverte d'esprit, elle tombe dans des choses comme ça, il n'y a plus rien à faire. Ça paraît totalement délirant, mais en fait, c'est un escalier. Genre, vraiment, elle est tombée sur la première marche, et puis petit à petit, pendant 10 ans, je ne l'ai pas vue, et je l'ai retrouvée, mais en haut de l'escalier, quoi. Et maintenant, il n'y a rien à faire. Et le pire, c'est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens du grand public, qui n'ont pas forcément de proches, qui sont tombés là-dedans, ils se disent, mais c'est des idiots. Mais ma mère, elle n'est pas bête. Enfin, ma mère, elle est influençable, c'est vrai. Elle a peut-être un peu beaucoup d'ego, mais elle est pas bête, elle est très convaincante quand elle parle, elle s'exprime très très bien, elle écrit très très bien. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe là-dedans? Et après, quand on regarde les vidéos qu'elle m'envoie, c'est que des trucs où franchement, les gens, ils ont l'air sympas, en fait, dedans. Les gens, ils ont une bonne voix, ils sont posés, ils sont calmes. Ce qu'ils disent, ça pourrait avoir l'air d'être un argument. C'est loin des idées des vidéos complotistes qu'on peut avoir, de c'est des musiques qui font peur, il y en a aussi. Hein. Mais il y en a beaucoup, en fait, c'est très insidieux, c'est très vous êtes des personnes uniques, aimez-vous vous-même, nous sommes là pour vous. Et en fait, c'est ça qui fait tomber là-dedans, parce que ma mère, elle était très isolée pendant un temps. Mon grand-père est mort, elle était seule avec moi, elle avait des problèmes d'argent, je pense qu'elle avait besoin de se sentir entourée, de se sentir un peu unique, se sentir validée, en fait. Et ça a dû vraiment jouer. Donc je dirais que, plus que comment on parlait à un proche, je dirais que ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas trop de gens qui retombent là-dedans. Ça me paraît important de le raconter, car quand j'étais petite, je me disais, ok, je suis un cas social. Genre, ma mère vit une vie assez alternative. Moi, j'ai vécu des choses quand même assez dures quand j'étais petite. Et je veux juste montrer qu'en fait, c'est pas une fatalité, entre guillemets. Enfin, aujourd'hui, moi, je me sens très bien dans ma vie. Je suis quelqu'un d'assez équilibré. J'ai mes objectifs, je me sens entourée. Quand j'étais ado et je me sortais tout juste de la Bretagne et de chez ma mère, j'aurais trop voulu savoir qu'il y a des gens qui s'en sortent bien après. Genre, qui peuvent être dans une société, d'être acceptés, de reprendre des études normales, que c'est jamais trop tard. J'aurais aimé qu'on me dise ça, en fait. J'aurais aimé qu'on m'explique que j'allais bien m'en sortir et que même si j'avais une situation vraiment bizarre, que j'ai vécu des trucs assez bizarres, c'était pas trop tard pour être autonome et vivre sa vie tranquille, loin des croyances infondées ou de l'agressivité envers les gens qui croient pas comme nous. Le fait d'être capable d'avoir un esprit critique, de pas croire tout ce qu'on nous dit facilement, enfin de chercher des preuves, d'avoir une méthodologie. Je me dis que ça devrait être enseigné beaucoup plus largement. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce sur quoi je me spécialise. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'éducation, aux médias, à l'information. Je suis dans une association où on fait des interventions dans des collèges, dans des lycées. Et je me dis, mais si à l'époque, quand j'étais allée à l'école, quand j'y allais, on m'avait fait un cours sur ça, j'aurais vu beaucoup plus tôt que c'était un problème. Et peut-être j'aurais pu... C'est compliqué quand on est enfant, mais j'aurais pu en tout cas dire à ma mère, attention, là tu tombes là-dedans. C'est... En fait, plus on en parle, mieux c'est. Ça me paraît important. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Un grand merci à Marie pour son témoignage et sa confiance. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Héloïse Weiss et préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître et faire un don sur notre page Ulule. À bientôt.